peut usurper tes limites, qui peut affirmer l'impossible, qui est maître de la synergie, qui peut contrôler tes pensées, qui manipule la génétique et qui manipule le mental, qui propage les propagandes, qui dirige et contrôle, qui inflige et sanctionne, qui cache, qui vole et qui pille, qui tue, qui punit, qui vérifie, qui prie. Qui sommes-nous au fond? Qui sommes-nous au fond? Qui sommes-nous au fond? Qui sommes-nous au fond? Sans doute pas les anges, mais les démons.